إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui si je ne me trompe pas c'est le cours numéro 6 dans le dars de Kashf al-Shubuhat écrit par le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab expliqué par le Cheikh Zayd ibn Mohamed ibn Hadi al-Madkhali. Donc aujourd'hui on va continuer à lire un autre passage du livre puis après on va aller aux explications inshallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الشيخ يقول واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فبذلك que الله سبحانه وتعالى بحث سجد il n'a jamais envoyé un messager avec ce tawhid, excepté qu'il lui a donné des ennemis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers avec le tawhid, et en même temps, il a fait que, par sa sagesse, il ait des ennemis, ces prophètes-là et ces messagers-là. Et il mentionne un verset qui est surat Al-An'am, le verset 112, qui dit, et c'est ainsi que nous avons fait pour chaque prophète un ennemi parmi les diables, shayatin, humains et djinns. Okay? Et ils s'inspirent entre eux des paroles enjolivées pour égarer les gens, pour les tromper. D'accord? Donc ils s'inspirent entre eux, les djinns, hommes et les djinns, les diables, hommes et les diables, djinns, des paroles enjolivées. Ok, pour essayer d'égarer les gens et pour tromper les gens. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le Cheikh il explique, Cheikh Zayd il explique en disant wa amma fima yata'allaqu bi hadha ad-dars fama dhakarahu al-mu'allif huwa al-waqi' iz ma min nabiyyin min anbiya'illah illa tafadda lahu ahlu al-batil 'ibra imtidad at-tarikh ar-risala عبر امتداد تاريخ الرسالة ولكنه يستمر منطلقا في دعوته ولا يرده عناد المعاندين وتكذيب المكذبين ولم يرده الأذى الذي يواجهه من أولئك المعتدين الضالين من قومه الأعداء الألداء لله ولرسوله وللمؤمنين كما أخبر الله عن شياطين الإنس والجن أنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يزينون الأقوال بالباطل والكذب من أجل أن يسدوا أنفسهم عن سبيل الله ويسدوا غيرهم عن سبيل الله وأما الأنبياء فمعصومون ولو قتل الواحد منهم في سبيل الله أو في سبيل تبليغ رسالة الله ما تقهقر ولا ضعف وإنما يستمر دائما وأبدا حتى يقضي الله بينه وبين قومه فكانت الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسلهم من آمن مع الرسول نجا ومن كذب وهم الكثير أنزل الله عليهم بعثه الذي لا يرد Donc, qu'est-ce qu'il explique ici, le cheikh? Il dit que, en ce qui concerne qu'est-ce qu'on a lu maintenant, dans cette partie-là, le cheikh, il dit que qu'est-ce qu'on a mentionné au sujet du fait que chaque messager qui appelle au tawhid, il a un ennemi, il dit que ça, c'est la réalité qu'on peut tous constater et observer. Parce que il n'y a pas un seul prophète parmi les prophètes d'Allah, excepté qu'il y avait des gens qui défendaient le mensonge à travers l'histoire, qui se sont opposés à chacun d'entre eux. D'accord? Donc, chaque fois qu'un messager arrivait, un prophète arrivait à son peuple pour les appeler, il y avait toujours quelqu'un dans ce peuple-là qui essayait de démentir le messager et de contredire son appel et son message. Mais malgré tout ça, le messager, il continuait dans son appel et dans sa da'wa, et le fait qu'il y avait des gens qui essayaient de s'opposer à son appel et à sa da'wa, ça ne les faisait pas faiblir, hein, ça ne les faisait pas faiblir, et tous les réactions ou la façon dont ils se faisaient traiter d'une façon difficile de la part des opposants et des égarés parmi les peuples auxquels ils étaient envoyés, et bien tous les mauvais traitements qu'ils recevaient, ça ne les affaiblissait pas non plus. Ok? Donc, Allah a mentionné que les shayatins, parmi les hommes et les djinns, ils s'inspirent entre eux des belles paroles enjolivées, et par ces paroles-là, ils essaient d'embellir le mensonge. Parce que, la vérité, quand les gens entendent la vérité, c'est clair pour eux, ils l'acceptent. Toutefois, le mensonge, si quelqu'un te ment directement d'un mensonge clair et évident, ben c'est certain que tu vas le rejeter. Donc, ils ont besoin de couvrir ce mensonge-là par des décorations ou des choses pour le faire paraître comme si c'est quelque chose de bien, ou comme si c'est quelque chose de vrai, pour tromper les gens, sinon les gens ne vont pas l'accepter. Donc, le but de ces paroles enjolivées-là, c'est pour essayer d'obstruer le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils se bloquent eux-mêmes, et ils bloquent les autres personnes également, de suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, les prophètes, eux, sont infaillibles, ils sont protégés. Il dit que même si l'un d'entre eux se fait tuer dans la transmission de son message, il ne perd pas espoir et il ne devient pas faible. Il continue jusqu'à ce que Allah ait tranché entre lui et son peuple. Hein? Et donc, le cheikh, il dit que il y avait d'autres prophètes avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il y a d'autres nations qui ont eu des attitudes envers leurs prophètes. Il y en a qui ont cru à leurs messagers et qui ont eu la vie sauve. Et il y en a qui ont refusé de croire à leurs messagers. Et ils sont nombreux. Et ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux son châtiment. Et personne ne peut le retenir d'un peuple qui est criminel et qui refuse la foi. Donc le cheikh dit, « Wa hakaza kullu da'in yad'u bida'wati rasulillah » لا بد أن يؤذى ولا بد أن ينتصب له أعداء يزخرفون الأقوال ويزينونها لمن قل نصيبهم من العلم وقل حظهم من التوفيق فيصرفون الناس عن دعوة الحق وعن دعوة الخير عامة كما حصل أو كما هو حاصل من المشركين ويحصل من أهل البدع المضلة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ التحذير حيث قال في وصية قيمة أو في وصيته القيمة وموعظته البليغة في حديث طويل وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc le chef il dit donc, c'est ainsi que toute personne qui appelle, c'est pas seulement les prophètes et les messagers à qui les gens s'opposent et que les ennemis de la vérité s'opposent, c'est toute personne qui appelle les gens au message des messagers et à la voix des messagers, et bien lui aussi il aura sa part de difficultés et de problèmes de la part des des gens qui sont contre la vérité et des ennemis de la foi. Donc, il y aura des gens qui vont venir pour essayer de, disons, venir avec des paroles enjolivées pour essayer de tromper ceux qui ont peu de connaissances et qui ont peu de part dans le succès, dans le fait de trouver la vérité. Donc ils viennent et ils essaient de détourner les gens de répondre à l'appel de vérité. Et ils essaient de les égarer donc. Et ça, ce qui arrive de la part des mouchriquins, et c'est ça ce qui arrive également de la part des gens du Bid'a. Parce que des fois, ce ne sont pas des mouchriquins, mais ce sont des gens de Bid'a. Et ils font le même travail que les mouchriquins. Parce que leur but, c'est également de dévier les gens de la vérité. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a averti contre la bid'a, c'est-à-dire contre les innovations et toutes choses qui sont inventées dans la religion. Et il a donné une grande exhortation à ses compagnons dans un hadith qui est très long. Et à la fin de ce hadith-là, il dit, et prenez garde aux nouvelles choses dans la religion, parce que toute chose qui est nouvelle est une bid'a. Et toute bid'a est un égarement dans la religion. Et tout égarement mène au feu. Et là, comme on a expliqué déjà dans d'autres occasions, c'est que les bid'a dont on parle, c'est les bid'a dans l'adoration et dans la façon de se rapprocher à Allah et dans les façons des choses qui ont rapport avec les règles de l'islam. C'est pas des innovations qui concernent les choses qui sont en dehors de la religion, comme par exemple les voitures, les ordinateurs ou l'électricité ou des trucs comme ça. Ça, c'est des choses qui sont régies par les règles de la charia en général, ça par rapport avec l'adoration ou la religion en tant que telle. C'est simplement de savoir ce qui est halal ou ce qui est haram dans ces choses-là, parce que ça ne concerne pas l'ibadah. Mais nous, quand on parle de bid'ah, on parle des bid'ah qui ont rapport avec les croyances ou bien les pratiques religieuses. Et c'est là que le danger d'amener des choses nouvelles, okay, comme si la religion d'Allah n'était pas complète et qu'on a besoin de ramener des nouvelles affaires dedans pour qu'elles soient plus complètes. Donc, c'est pour ça le danger des innovations. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre les innovations. Donc, le cheikh il dit, فَأَهْلُ الْبِدَعَ أَيْضًا يَسُدُّونَ أَوْ يَتَصَدُّونَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ وَيُلَبِّسُونَ عَلَى النَّاسِ وَيَحْكُمُونَ بِالضَّلَالَةِ وَالْغَوَايَ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ يَقُومُ عَلَى إِحْيَاءِ السُّنَّةِ وَقَمْعِ الْبِدْعَةِ وردها حتى تحيا السنن وتموت البدع ولو واجه طالب العلم في ذلك سنوفا من الأذى فإن الأجر عند الله تبارك وتعالى كبير وقد قال الله عن رسله وأنبيائه وما سألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Donc le cheikh il explique que les gens de Bid'a également de leur côté s'opposent aux gens qui sont pour la Sunna à toutes les époques et à tous les endroits, et ils essaient de tromper les gens et de leur mélanger la vérité et le mensonge, et ils jugent par l'égarement et par la déviation à propos des gens de la Sunna, et ils mentent à propos des gens de la Sunna, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait toujours venir des ulama et des gens qui font revivre la Sunna et qui écrasent la bid'a et qui la réfutent, et qui réfutent la bid'a et qui fait revivre les Sunna et qui font mourir les bid'a. Et le cheikh dit donc, toute personne qui recherche la science, elle va avoir à affronter toutes sortes de difficultés de cette façon-là, dans sa voie, dans la transmission de la connaissance et dans l'enseignement. Et le cheikh il dit que la récompense pour ça, c'est une très grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette personne-là, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de ses messagers et de ses prophètes, et je ne vous demande pas un salaire, je ne vous demande pas un salaire ou une récompense de l'argent ou quoi que ce soit. Ma récompense incombe uniquement à Allah. C'est-à-dire, les messagers, ils ne demandaient pas à personne de recevoir quelque chose en récompense pour le message ou pour quoi que ce soit. Ils attendaient uniquement une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et à notre époque, on peut voir même aujourd'hui les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, à chaque fois qu'un grand alim est venu et qui commence à appeler au Coran et à la Sunnah, eh bien on voit toujours qu'il y a parmi les gens de Talal, les gens de Bédra, qui viennent et qui s'opposent à eux, et qui essaient de répandre à leur sujet du mensonge, et qui essaient de détourner les gens d'eux et de leurs livres et de leur enseignement pour essayer de les couper justement de la science que ces savants-là possèdent pour les détourner. Donc on entend toujours les gens de Bédar qui critiquent les grands ulama comme Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, Cheikh Mohamed Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, Mohamed Nasruddin Al-Albani, et en particulier Cheikh Al-Albani, parce que Cheikh Al-Albani, il était en Syrie, ok? Et en Syrie, c'est un océan de soufis, c'est rempli de soufis. Donc, il y a une minorité parmi une majorité de gens qui sont dans l'égarement. Mais, étant donné qu'il était tellement fort dans sa connaissance et dans sa façon d'expliquer, que, il leur donnait beaucoup de difficultés. Alors, étant donné que ces gens de Dalal, les gens de Bédaï, ils n'ont pas de réponse, ils ne peuvent pas l'affronter, alors ils utilisent d'autres moyens, c'est-à-dire ils essaient de mentir sur lui, répandre des mensonges, salir sa réputation, des choses comme ça, pour éloigner les gens de ses livres et de ses enseignements. Donc, ça c'est la voie des gens de Bédaï. Et ils jettent également des choubouhats, et c'est ça ce qu'on va voir plus tard, parce que le titre du livre c'est « Cache le choubouhat », donc c'est pour justement démasquer ces ruses-là que ces gens-là propagent. Ensuite, Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab, il continue à dire « وَقَدْ يَكُونُ لِأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ عُلُومًا كَثِيرًا وَكُتُبٌ وَحُجَجٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فرحوا بما عندهم من العلم إذا عرفت ذلك وعليكم السلام ورحمة الله إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه وأهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Donc le cheikh dit que il est possible que tu vas trouver chez les ennemis de la vérité et les ennemis du tawhid beaucoup de science. Chez certains d'entre eux, tu vas voir que c'est des gens qui sont très très instruits, et qui possèdent beaucoup de livres et même beaucoup de preuves, qui savent bien s'exprimer, ils sont éloquents, et donc c'est des gens qui sont capables d'inspirer beaucoup de intimidation chez les gens qui sont sur la vérité, et chez des ignorants en particulier. Donc, quand quelqu'un vient devant ces gens-là pour essayer de les appeler au tawhid, pour leur clarifier la sunna, des fois il va trouver beaucoup de difficultés, parce que c'est des gens qui sont, c'est pas n'importe qui, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui n'ont rien du tout, parfois ils sont très très très calés dans le Coran, dans la connaissance même de la Sunna, parfois tu vas voir que ils ont même des livres qu'ils ont écrits, ils ont même des arguments qu'ils apportent et tout ça. Donc le cheikh il dit ça c'est même expliqué dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, lorsque leur messager, lorsque leur venait, hein, leur messager avec des preuves, ils se réjouissaient de ce qu'ils possédaient déjà de science. Donc, ils disaient, allez, on n'a pas besoin de vous parce qu'on a déjà de la science. Ils disaient ça aux messagers d'Allah et aux prophètes d'Allah. Donc, imaginez la réaction de ces gens-là vis-à-vis des ulama et des du'at et des tulab ilm qui viennent avec des preuves du Coran et de la Sunna pour les appeler au tawhid. Alors, eux aussi la même chose, ils disent, mais on n'a pas besoin de vous, on a déjà qu'est-ce qu'il faut comme connaissance, et puis vous, allez, vous n'êtes pas capable de nous apporter rien de plus que qu'est-ce qu'on a, ou des choses de ce genre. Donc, le cheikh dit, ouais, donc si tu as compris ça, et que tu as compris que sur le chemin d'Allah, il faut qu'il y ait des ennemis, hein, qui se tiennent sur ce chemin-là, qui possèdent de l'éloquence et de la connaissance, hein, peut-être que c'est déjà, sont très très calés dans la langue arabe par exemple, hein. Autant de l'imam Ibn Taymiyyah, par exemple, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ou bien autant de l'imam Ahmad, quand il s'opposait au Mu'tazila. Le Mu'tazila, c'était des savants dans la langue arabe, hein. C'était des gens très éduqués, hein. Ils avaient étudié plein de livres, plein de trucs. Donc, quand ils débattaient avec eux, hein, il fallait qu'ils soient forts, il fallait qu'ils soient bien préparés. Et c'est ça ce que le chef il explique. Il dit, tu peux pas t'en aller sur le chemin du da'wah, et puis espérer que tout le monde va juste accepter tout ce que tu dis. Il faut que tu t'en vas sur ce chemin-là avec l'idée et la conscience qu'il y a sur ce chemin des ennemis qui se tiennent sur ce chemin et qui vont essayer de démentir tout ce que tu dis et tout ce que tu fais et qui connaissent des choses de la religion, qui ont des arguments. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour toi, le cheikh il dit, qu'est-ce qui est obligatoire pour toi, c'est d'étudier cette religion-là. Et pour que cette connaissance que tu as possédée devienne une arme par laquelle tu vas être capable de combattre les chéantés, les diables. Donc ça c'est un point important en même temps, très très important. Parce que des fois tu vas voir des gens qui étudient le Coran et la Sunna et qui suivent la compréhension des salafs salih et la aqidah des salafs, et qui négligent sur le côté de la connaissance et de l'apprentissage de l'islam. Et à cause de ça, lorsqu'ils viennent pour opposer, ou pour affronter, ou pour appeler quelqu'un qui est sur une bid'ah, eh bien parfois ils se retrouvent dans une situation où la personne à qui ils parlent est plus savante que lui de l'islam. Hein. Et donc, dans une situation comme ça, c'est difficile, parce que tu peux être une personne, un musulman ordinaire, qui n'a pas beaucoup de connaissances des détails de l'islam, mais tu sais que le Coran et la Sunna c'est le haq, et tu vois que la voie des salafs c'est la vérité. Et tu es convaincu de ça parce que c'est clair comme le soleil. Toutefois, tu n'as pas accumulé une connaissance très profonde des preuves et des principes de la Sunna et du Coran. Donc, quand tu arrives devant ces gens-là, tu essaies de leur expliquer, mais tu n'es pas assez calé ou assez fort. Peut-être que la personne à qui tu parles est hafiz du Coran, il a mémorisé le Coran du début à la fin. Il connaît les règles de tajwid et tout ça. Hein. Donc toi, tu arrives devant lui. Certains frères, il y en a en France ou ailleurs, même ici, ils ont même pas encore connu comme il faut l'arabe. Donc tu vas parler avec quelqu'un comme ça qui est, disons, diplômé en arabe. Hein, et qui est sur la bid'ah, eh ben, lui, automatiquement, il ne va pas te prendre au sérieux, malgré qu'il est sur les gardes et que toi, tu es sur le haq. Hein. Donc, c'est pour ça que l'importance d'acquérir plus de connaissances et de se forcer à augmenter notre niveau de science pour être capable, justement, de, disons, clouer le bec à ces gens-là. Comme ça, lorsque tu arrives devant eux, eh ben, tu es à un niveau qu'ils ne peuvent plus argumenter avec toi. Parce qu'il y a des frères, je connais des frères comme ça, ils vont parler avec l'imam par exemple de leur mosquée, leur imam est un moubtadir, d'accord? Et l'imam c'est une personne qui parle arabe, qui connaît l'arabe et tout, qui s'exprime couramment puis avec éloquence. Tandis que lui le frère, c'est un musulman d'origine arabe disons, mais bon il n'est pas capable de s'exprimer en arabe couramment, peut-être qu'il connaît peut-être son dialecte, mais l'arabe classique, il ne peut pas, d'accord. Et puis, sa connaissance, disons, du Coran et de la Sunna, c'est limité aussi, il ne peut pas donc l'affronter facilement. Donc, il va aller le voir, il va lui dire, par exemple, « Cheikh, hein, vous avez dit telle affaire dans la khutba, ou bien vous avez dit telle chose dans le dars, et ça, c'est pas correct, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle ou telle chose. » Donc, ces gens-là, le frère, il établit la preuve contre l'autre, mais étant donné que il n'est pas à son niveau, l'autre, avec l'orgueil et la fierté, elle n'accepte pas de lui, d'accord. Donc, des fois, c'est difficile, des situations comme ça. Ou bien, des fois, tu as des situations où quelqu'un qui est un talib ilm, par exemple, à l'université islamique à Médine, il y a des frères qui étudient là-bas, sont très très bons dans leurs études. Ils ont des très bons résultats à l'école, hein, très studieux, ils ont excellence, ils ont un degré d'excellence dans leurs études. Toutefois, dans leur manhaj et dans leur façon de suivre le Coran et la Sunna, dans leur compréhension des questions de manhaj et de aqida, ils ont des problèmes, ils ont des erreurs. Hein. Alors qu'un autre frère qui est complètement mashallah sur le Coran et la Sunna, qui est salafi et qui comprend, qui suit les ulama et qui suit le Coran et la Sunna, lui, il a un bon manhaj, mais dans ses notes à l'école ou dans son étude, il n'arrive pas à avoir des bonnes notes. Il va avoir jayid jittan, ou bien jayid, il va avoir bon ou très bon, mais il ne va jamais arriver à excellence, par exemple. Donc, là, quelqu'un qui est sur l'égarement, il voit ça, il dit bon, ben, vous dites que vous êtes sur le haq, et puis vous avez juste très bien ou bien, alors que lui, hein, il est excellence. Hein. Donc, il y a des gens qui se battent sur ça. Alors qu'en réalité, c'est pas une preuve. Hein. Ça veut pas dire que t'as 100% un examen, que tu as plus de ilm, ou plus de, disons, de iman, et plus de guidance que l'autre. Hein. Combien il y a de koufars qui sont, hein, des docteurs qui ont des maîtrises et des doctorats, puis pourtant, quand tu leur parles d'Allah et de la religion, ils se disent, ils comprennent rien du tout. Hein. Et il y a plein de ulama, des grands ulama, qui n'ont jamais fait l'université. Hein. Ils sont jamais rentrés dans une école ou dans une université, et pourtant, c'est eux qui enseignent à des docteurs. Hein. Donc ça, c'est juste pour dire que des fois, il y a des situations, des fois, c'est ambigu, Yanni. Et non, c'est ça. Donc, souvent, c'est ça. Quand on parle des salafis, c'est ça. Il y a des frères qui, comme le frère le disait, ah, les salafis, ils n'ont pas de diplôme. Et ils pensent que ça, c'est une preuve contre les salafis. Comme le fait d'avoir un diplôme ou de ne pas avoir de diplôme, ça ne veut rien dire, en réalité. Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, ils n'avaient pas de diplôme. Ah, ils parlent des diplômes de la dunya. Ah, mais s'ils parlent des diplômes de la dunya, c'est encore plus insignifiant. Hein, parce que là, de ne pas avoir un diplôme en médecine ou en ingénierie ou des choses comme ça, ça c'est les ikhwan, ça. Ça c'est les ikhwan, ils donnent l'importance à des diplômes dans les choses de la dunya. Et pour eux, même si quelqu'un n'a pas de haine dans l'islam, s'il a un diplôme dans une science quelconque, dans une université de Koufa, et bien pour lui, c'est lui le top, yani. Et même que la preuve, leur mouchidine, yani leur guide, ils ont toujours un chef dans leur jama'a, et puis quand tu regardes leur chef, tu vois, c'est un gars qui a un diplôme en psychologie, diplôme en médecine ou autre. Hein, regardez, allez dans leur site, Ikhwan Online, vous allez voir la liste de tous leurs chefs à travers Ikhwan Online. Ouais, quelque chose comme ça. Vous allez sur leur site officiel, et là vous voyez la photo de tous les, depuis Hassan al-Banna jusqu'à aujourd'hui, c'est qui leur chef suprême. Hein, et là vous allez voir, c'était des gars vraiment, vous allez dire ce qu'ils ont un rapport avec, même avec le team. Parfois, vous dites, subhanallah, c'est étonnant. Des hommes qui n'ont pas de barbe, qui suivent, mais habillés, veston, cravate, puis vous les voyez que c'est des dirigeants ou chefs d'un groupe soi-disant religieux, politique, hein, etc. Donc, Ça, c'est l'autre extrême, yani, sur ce côté-là, yani. Ben, c'est vrai, subhanallah. Exactement. Donc, la méthode des ulama, la méthode d'études islamiques traditionnelles, quand quelqu'un en sort de ce programme-là, eh ben, il devient un alim, devient un savant de l'islam. Tandis qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort du système éducatif actuel, soi-disant dans les universités, il ne devient pas un alim, il devient une personne cultivée islamiquement, il devient docteur avec un diplôme. Eh ben, la preuve, même un non-musulman peut devenir docteur en islam aujourd'hui. On les appelle des islamologues. Hein? Donc, quelqu'un peut être un doctorat en islam, ça ne veut pas dire qu'il est musulman maintenant. Donc, ça veut dire que le ilm, c'est important, mais d'étudier le ilm selon la méthode des ulama, comment ils suivaient leur méthodologie. Hein? Ça commence depuis l'enfance, hein? Et c'est par, bien entendu par degré. Tu t'assois avec le cheikh et tu vas science par science et étape par étape, tu montes degré par degré jusqu'à ce que tu arrives à maîtriser chacune de ces sciences. Un docteur, c'est vrai, à répondre comme il faut, exactement, hein, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils ont, ils sont pas sortis de l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh dit donc, cette science-là, elle doit devenir pour toi un arme, hein, par lequel tu vas pouvoir, avec lequel tu vas pouvoir combattre ces shayatins qui ont pour imam et pour chef à la tête, yani qui ont pour imam et comme chef, yani le shaytan, c'est-à-dire Iblis. Et Iblis, on sait ce qu'il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit je vais me tenir sur leur chemin, je vais m'asseoir sur ton chemin droit et je vais les prendre, je vais venir sur eux par devant, par derrière, par la droite et par la gauche, et tu vas trouver seulement très peu parmi eux qui seront reconnaissants. Donc ça veut dire le shaytan, il a dit ça à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire il va faire tout ce qu'il peut pour vous égarer, pour nous égarer. Bien de par devant, par derrière, par la gauche, par la droite, il essaie tout ce qu'il peut pour nous faire dévier. Donc ça veut dire quand on est conscient de ça, que shaytan, il va tout faire pour nous faire dévier, ben, ça veut dire qu'il faut se tenir alerte et être sur nos gardes. Le problème c'est que souvent, on oublie que le shaytan est tellement acharné sur nous pour nous faire dévier. On prend ça à la légère, comme si c'est, pas si dangereux que ça, alors qu'en réalité, il ne perd pas l'espoir de nous faire tomber dans l'égarement. Donc le cheikh dit « Inna a'da al-tawhid » ça c'est l'explication du cheikh Zayd, il dit « Inna a'da al-tawhid wa a'da al-sunnah » من مشركين ومبتدعين وضلال يأتون بحجج ويلبسون على الناس بها والعاصي الذي يجري وراءهم وعلى شاكلتهم ينقل تلك الحجج بدون أن يفقه معناها ولا يعلم مقتضاها ومن هنا وجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يبذلوا جهودهم في تعلم السنة والتفقه فيها وأخذها عن العلماء ومن بطون الكتب التي تحمل السنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحذروا من البدع ومن أهلها ومن الكتب التي تنتشر فيها البدع نعم عليهم أن يحذروا الحذر الأكيد فإذا فعلوا ذلك سلمت عقيدتهم سلمت عقيدتهم وسلم منهج دعوتهم وفازوا بخير الدنيا والآخرة لأنهم دعاة حق. Donc le cheikh il dit que les ennemis du tawhid et les ennemis de la sunnah parmi les mushrikins, les mubtadi'in, les innovateurs et les égarés, ils viennent avec toutes sortes de hujjaj, des arguments pour tromper les gens, et la personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, elle court derrière ses choubouhats et ses preuves, soi-disant preuves, sans comprendre qu'est-ce qu'elles ont comme signification et sans comprendre le but qui est derrière ces choses-là, et ils les transmettent avec eux, hein, ils les transportent avec eux. Et c'est là qui est important, donc pour à partir de ce moment-là, c'est important pour le musulman en général et pour les étudiants, les gens qui étudient l'ilm en particulier, de faire tous leurs efforts pour étudier la sunna et de l'apprendre comme il faut, et de l'apprendre des ulama, de l'étudier chez les ulama et dans les livres également, les livres, c'est-à-dire les livres qui transportent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'avertir de la bid'ah et des gens qui font les bid'ah, et d'avertir contre les livres qui les transportent également et qui répandent ces bid'ah-là. Et le problème actuellement, souvent, c'est ça, c'est que, d'accord, on appelle les gens au Coran et on appelle les gens à la sunna, mais on n'avertit pas les gens contre les bid'ah et contre les égarements des gens ou des choses qui peuvent amener les gens à l'égarement. Et on dirait qu'il y a des gens qui ont encore cette choubha de croire que ah, il faut pas mentionner les erreurs des autres, ou bien il faut pas parler dans le dos. Il y en a des gens qui ont encore cette idée-là. Et ils te parlent souvent, ça arrive, quand tu dis à des frères, par exemple, fais attention à un tel derrière ou un tel chef qui est connu, parce que si tu l'écoutes, dans ses paroles, il y a des choses qui sont pas correctes, et ça pourrait te dévier, ou ça pourrait t'égarer. Eh bien, il y en a qui essaient de venir avec le petit côté il y a les trompeurs, pour te dire, par exemple, écoute, moi je parle pas contre, moi je retiens ma langue, je parle pas contre un tel ou un tel, ou je parle pas contre les ulama, hein, ils vont te dire ça. Et ils oublient que de conseiller ou de donner le rappel ou d'avertir des gens contre des erreurs, des gens qui sont déviés, c'est non seulement recommandé, mais c'est obligatoire. Et le but, c'est pas de rabaisser des ulama ou de rabaisser des personnes qui sont considérés comme étant des ulama, mais le but c'est plutôt de les prévenir pour pas qu'ils tombent dans l'erreur, parce que même si un alim est connu ou très grand, hein, si il a des graves erreurs et que personne n'en parle, eh ben les personnes vont être justement par le fait que ce alim là est grand, est respecté, est connu, eh ben les gens peuvent plus facilement tomber dans l'erreur en l'écoutant que de la part de n'importe quel ignorant qui parle dans la rue, hein. Si quelqu'un qui parle dans la rue, personne ne connaît, eh ben, personne va, se laisser tromper facilement et aller, par ses paroles. Toutefois, si c'est un savant qui est connu, qui est respecté, tout le monde dit du bien de lui, mais il a des graves erreurs dans ses paroles ou des choses contraires au Coran et à la Sunna, et que personne dit quoi que ce soit, eh ben, il peut tromper des milliers et des milliers de personnes. Et c'est pour ça que, au temps des Sahaba et après, les gens se réfutaient toujours les uns les autres. Quand un savait qu'un faisait une erreur, ou disait quelque chose d'incorrect, eh ben, il répondait à cette erreur-là, et il clarifiait aux gens la vérité. Et c'est toujours dans le but de donner le bon conseil, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, et d'avertir les gens contre une erreur. D'accord? Bien entendu, bon, il y a des degrés, il y a des niveaux d'erreur, il y a des degrés d'erreur, il y a certaines erreurs, quand quelqu'un l'a fait, il quitte la sunna, devient muqtadir. Il y a certaines erreurs, quand quelqu'un l'a fait, il devient mushrik, quitte l'islam, ou bien devient kafir, quitte l'islam. Donc, c'est pas toutes les erreurs qui s'équivalent. Il y en a qui mettent les erreurs, tu dis à quelqu'un, ah, un tel cheikh a fait une erreur. Il met toutes les erreurs au même niveau. Tu dis, ah, mais c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Mais c'est vrai. Iblis, hein, Iblis a fait une erreur. Et il a refusé de se prosterner à Adam. À cause de cette erreur-là, il entre en enfer pour l'éternité. Hein? Donc, tout le monde fait des erreurs, mais il y a des niveaux d'erreurs, il y a des degrés d'erreurs, il faut être capable de faire la distinction entre une erreur puis une autre. Et pas tout essayer de les mettre à égalité comme si, ah, ben, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, donc, si tu as fait une erreur, il faut l'excuser. Ça dépend quelle erreur. Il y a des erreurs, oui, on excuse, parce que tout le monde, tous les éléments, ils ont fait des erreurs. Si c'est des erreurs qui sont pas dans les bases, dans les fondements, d'accord, hein, il y a des ijtihad, des ulama, ça c'est correct, ça c'est normal. Toutefois, il y a des erreurs qui sont dans les principes fondamentaux de la sunna et dans les principes fondamentaux de l'islam, et ceux-là, si la personne les fait avec connaissance et qu'elle persiste après qu'on lui ait expliqué la vérité, eh bien là, dans ce cas-là, il y a d'autres positions qu'on doit prendre vis-à-vis de ces gens-là. Et si ce sont des ulama ou des du'at ou des disons, des gens qui sont connus, qui ont écrit au nom de l'islam, qui ont parlé de l'islam, et qui sont déjà morts, eh ben, il y en a qui disent, ah, ben, il est mort maintenant, on parle plus de lui maintenant, laisse-le, hein, il est mort maintenant, c'est Allah qui va le juger. Oui, c'est vrai, Allah qui va le juger. Sauf que si des gens sont encore influencés par ses livres et par ses idées, après sa mort, eh ben, il faut quand même clarifier les erreurs qu'il a transmises et qu'il a propagées pour éviter que les gens soient trompés par ces erreurs-là. Toutefois, c'est Allah qui va le juger. Lui, maintenant, il est mort. D'accord? Mais quand même, on doit clarifier aux gens les erreurs qu'il a faites juste pour éviter qu'ils tombent dans ces erreurs-là. Donc, c'est juste quelques exemples à ce sujet-là qui sont parfois pas très clairs pour certaines personnes. Exactement, comme tu dis, parce que si on clarifie ses erreurs après sa mort, eh ben, c'est un bien pour lui parce que les gens vont éviter de le suivre dans son erreur. Et quand quelqu'un te suit dans ton erreur, tu récoltes des péchés. Donc si tu empêches quelqu'un de te suivre dans ton erreur après ta mort, eh ben, c'est un bien qu'on te fait et non pas un mal. Wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, non. Ouais, ben, ok. En général, quand les ulama, ils donnent une mise en garde sur un mutadir, ou quelqu'un qui a une erreur, ils expliquent pourquoi. Ok. Et puis donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que, bon, qu'est-ce qu'on fait des fois, on dit faire attention à telle personne, pour telle raison. Des fois, les ulama, ils vont juste dire non, lisez pas leur livre, parce que des fois, bon, ils ont déjà expliqué ça dans d'autres occasions, et ils vont pas répéter à chaque fois tous les détails, hein. Quand un livre a été écrit sur une personne, eh ben, le mieux c'est d'aller lire ce livre. Le problème souvent c'est que les gens qui ont un côté, un petit peu un attachement émotif envers une personne qui a été critiquée par les ulama, eh ben, ils vont essayer de le défendre à tout prix, et par fanatisme ou bien par partisanisme, ils vont refuser de lire la récitation qu'un savant de l'islam a écrit contre lui pour justement éviter de, disons, blesser son ego ou son amour propre, hein, du fait qu'il est attaché à cette personne, hein. Et donc ça devient une forme de fanatisme, ta'assoub, aveugle. Ça sort des limites de l'islam et des règles de la religion, et ça devient comme une forme de passion. Et c'est ça ce qui est dangereux, parce que lorsque ton amour ou ton attachement à quelqu'un t'aveugle de la vérité et t'empêche d'accepter la vérité à son sujet, là ça rentre dans le domaine de la bid'ah, et ça sort de la limite de la sunna. Donc, il y a des gens comme ça, ils ont vu qu'un chef qu'ils respectent a été critiqué, et donc, par fierté ou par orgueil ou bien par amour pour ce cheikh-là, il refuse de lire ou de voir qu'est-ce qui a été dit à son sujet, malgré qu'il y a des preuves et qu'il y a des choses qui ont été présentées pour montrer clairement que la personne en question a des erreurs graves, des fois donc. Donc, le mieux à faire dans ces cas-là, c'est de faire preuve de sincérité et d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Donc, peu importe, même si c'est ton cheikh, une personne à qui tu as appris les bases de ta religion, et que tu vois qu'il a été critiqué, même toi, tu cherches quoi? Tu cherches la vérité, c'est tout. Donc, tu t'en vas, tu vas lire ce qui a été dit, pour voir où est la vérité dans ces choses-là. Et par la suite, tu vas être capable de comprendre, Yanni. Bien sûr, exactement. Il faut que ce soit quelqu'un qui fait la mise en garde, quelqu'un qui est connu par les ulama, qui est reconnu par les ulama comme étant une personne qualifié pour faire une chose pareille, hein. Et il faut voir aussi quel degré ou quel niveau de bid'ah également. Parce qu'il y a certaines bid'ah, c'est pas n'importe qui peut la déceler ou la remarquer. Il y a certaines bid'ah plus sophistiquées, si on veut, à des niveaux un petit peu plus profonds ou plus creux, précis dans la religion. Et des personnes, quand ils regardent comme ça à l'apparence, à l'extérieur, ils voient pas l'erreur directement, parce que c'est très une erreur un peu plus subtile. Donc, ces erreurs-là, il faut vraiment que ce soit des gens vraiment approfondis dans la science qui vont déterminer, ah, ceux-là, c'est des gens qui ont quitté la sunna ou qui ont dévié. Mais il y a d'autres bid'a, il n'y a pas deux salafis qui vont diverger pour dire que oui, ça c'est clair. Même le débutant, il y a dans le talab al-ilm, un musulman ordinaire, tu lui dis telle chose par exemple, il va savoir tout de suite que, ah oui, ça c'est bid'a, ça c'est, hein. Quelqu'un qui te dit, Sheikh bin Baz est kafir, est-ce que tu vas avoir un doute sur que cette personne-là est dans une déviation? Si tu hésites là-dessus, c'est-à-dire déjà toi tu as un problème dans ton manhaj aussi. Oui, quelqu'un qui va dire, par exemple, Cheikh Al-Albani est un murji. Là, tu vois des exemples comme ça. Ou bien quelqu'un qui va dire, par exemple, je sais pas moi, tel dirigeant est kafir, ou des choses comme ça, commence à lancer des choubouhats. Ça, tu peux pas diverger. Tu lui expliques, et si tu vois la personne commence à sortir des versets, sortir des hadiths, sortir des choses pour essayer d'argumenter ses idées, tu vois que, peu importe, tu dis ça y est, cette personne-là, c'est-à-dire, tu peux pas, t'as pas besoin d'hésiter, ou bien tu vois quelqu'un qui insulte Abu Bakr et Omar, hein, et commence à, insulter les Sahaba. Tu vas dire, mais y a pas de doute, mais c'est un tabère, c'est un chiéri, rafiri. Ou bien tu entends quelqu'un, je sais pas moi, commence à dire oui, il faut faire le maulid al-Nabawi. Et ça, c'est pas bid'a, c'est une bid'a hasana, hein, c'est une bonne bid'a, hein. Commence à dire que oui, prier les awliya et de chercher l'intercession par les awliya, c'est pas haram. Construire les choses sur les mosquées, et les mosquées sur les tombes et tout ça, et les zawaya et tout ça, ça c'est pas bid'a. Et le dhikr en groupe et tout ça, ça c'est correct, il faut faire ça, c'est bon. Ça, il n'y a pas de doute que c'est soufi, tu comprends? Et donc tu peux pas dire, ah ben lui, il faut pas parler contre lui, on sait pas, il faut aller demander à Cheikh Fawzan, ou Cheikh Rabia, pour savoir est-ce qu'il est moutadé ou non. C'est pas nécessaire. Après, c'est les jahil. Mais si tu discutes avec lui, il commence à argumenter, il sort des réponses et tout, il commence à débattre avec toi, alors tu sais que c'est un moutadé. T'as pas besoin d'appeler un grand âme pour qu'il te réponde à ce sujet-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, il y a des extrêmes, il y a toujours eu il y a eu des dépassements, mais nous on parle des choses comme si des choses claires. Ok? Bon. En tout cas, on reviendra à ça une autre fois. En tout cas, c'est juste pour expliquer qu'il y a certains principes de base clairs, hein, que certaines personnes, tout le monde doit connaître, tout le monde doit être capable de savoir. Si je te demande, en tout cas, on reviendra à ça. Ok, où est-ce qu'on était? Oui, donc le chef il dit, donc oui, on doit faire attention à toutes ces choses qui ont des bid'ahs et des égarements dedans. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a le manque de connaissances. Ça amène beaucoup de gens dans les erreurs. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un n'a pas une connaissance suffisante du Coran et de la Sunna et de la voie des salafs, ça fait en sorte que pour lui, tout est relativisé. Il veut relativiser toute chose. Ah, mais ça, c'est pas si grave. Ah, mais ça, c'est, hein. Parce qu'il comprend pas la gravité de certaines contradictions. Donc, il relativise toute chose. Il voit toute chose. Ah, c'est pas si grave que ça. Hein, il devient vraiment, disons, lousse et vraiment, comment on dit, il accepte, hein, il laisse aller toute chose. Ah, c'est pas grave, il faut être cool. Lui, il dit, ah, oh, c'est pas grave, tout le monde a des erreurs, hein, quand on a accepté tout le monde. Des tendances comme ça, et donc ça c'est très dangereux. Ça c'est très dangereux parce que ça amène les gens à ne plus distinguer entre le haq et le batil. Mais tu peux prendre de lui, tu peux prendre de ce chir, mais tu acceptes juste qu'est-ce qui est bon, et qu'est-ce qui est pas bon, tu le laisses. Là, tu dis ça à un musulman qui a pas vraiment une base solide, tu lui dis, lis tous les livres que tu veux, de n'importe quel chir, prends juste qu'est-ce qui est bon, puis le mauvais, tu le laisses. Comment il va faire pour distinguer? Il a même pas d'ilm. Comment il va savoir quand est-ce que, qu'est-ce qu'il lit c'est bon, quand est-ce qu'est-ce qu'il lit c'est pas bon? Peut-être qu'il va lire quelque chose qui est complètement faux, et puis ça va paraître bien pour lui, il va l'accepter. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et c'est ça le danger, hein. Ça, c'est une des choubouhats que les gens utilisent aujourd'hui. Il dit non, tu peux lire de tout le monde. C'est pas grave. Et de lui, même s'il a des égarements, il y a du bien aussi. Prends-le. Non, ça, c'est pour les ulama. C'est pour les tulab ilm qui sont arrivés à un niveau de science, qui sont capables de distinguer entre la vérité et le faux, et quand ils lisent, ils ne vont pas tomber dans l'erreur. Et même eux, ils font attention. Mais pour quelqu'un qui est débutant dans la science et dans l'étude de l'islam, tu lui dis pas ça. Tu lui dis pas lis n'importe quoi, et puis distingue entre le haq et le batil. Non, parce qu'ils ne sont même pas capables. Et ça, c'est le malheur aussi des musulmans qui étudient dans les universités, par exemple en psychologie ou en philosophie ou des trucs comme ça, qui n'ont même pas encore étudié rien dans l'aqida, rien dans l'islam, des bases de la connaissance, de la compréhension, et qui rentrent dans ces affaires-là pour dire « Ah, mais je m'étudie pour essayer de voir qu'est-ce qui est bon là-dedans et pour l'utiliser. » Comment tu vas savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Déjà, ta connaissance de l'islam est à zéro encore, tu n'as même pas encore une base solide. Donc, les ulama, ils commençaient pas à étudier ces choses-là pour réfuter les bid'ah. Ils commençaient par les choses, les bases de l'islam et étudier l'islam. Et à la fin, quand ils avaient fini d'apprendre et maîtriser toutes les sciences islamiques, là, ils entraient dans ces choses-là pour essayer de les réfuter et avec beaucoup de précaution. Aujourd'hui, on fait les choses à l'envers. On commence par étudier l'égarement, puis après, on veut essayer d'étudier un peu de haq yani mélangé. Donc là, c'est sûr que c'est facile à s'égarer. Et il y a aussi ceux qui déconseillent les gens de lire les livres de Roudoud, les livres de réfutation des ulama. Donc quand ils voient des gens, ils disent « Ah, lis pas les livres qui parlent de réfutation et tout ça, ça rend le cœur dur, hein, ça durcit le cœur, ça nous aide pas à avoir plus de taqwa, plus de iman et plus de khushu'. » Et ça, c'est une des ruses aussi du shaitan. Parce que, il n'y a rien de mieux que les livres de réfutation pour faire clarifier le mensonge et la vérité. Le Coran est un livre de réfutation. Parce qu'il y a dans le Coran la réfutation de toutes les shubuhat des mushrikins. Et à chaque fois qu'un mushrik ou un kafir au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait avec quelque chose, pour opposer la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre un verset pour lui répondre et pour montrer le haq. Donc le Coran c'est un livre de roudoud. Et à travers l'histoire, il y a toujours eu des gens, quand il y a des mensonges et des faussetés qui sont présentés aux croyants, il y a toujours des ulama qui viennent pour les détruire ces mensonges-là et les réfuter. Et donc cette voie-là, c'est la voie de tous les ulama. C'est en premier la voie des prophètes, hein, alayhi salatu wa salam, et c'est la voix de tous les ulama qui ont suivi la voix de Al-Haq. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre cette distinction-là qui est en fait un des signes distinctifs de la voix des gens qui suivent la sunnah et qui suivent la voix des salaf salih. Donc, y a ceux qui suivent et qui comprennent et qui font attention et qui prennent leur aqida uniquement des bonnes sources et des bonnes références, ceux-là, ils auront une bonne aqidah et ils vont avoir un bon manhaj et une bonne méthode dans leur façon de faire le da'wah, et ils vont avoir le succès dans la dunya et dans l'akhira, parce qu'ils appellent à la vérité. Et le chef il dit « Wa da'watul haq, hum atba'ur rusul, fi uslubi da'watihim, wa fi sidqihim wa ikhlasihim, fi sawabihim, wa fi sawabihim, li'anna da'wah la budda an yakuna min raka'izha الصواب والصدق والإخلاص والنصح للمدعوين. فإذا واجههم أهل الباطل بحجج فإن أهل العلم يتصدون لتلك الحجج ويقذفون عليها بنصوص الكتاب والسنة، فإذا هي باحضة والحق هو الذي يبقى والسنة هي التي عليها النور والبدعة ظلمة ظلمة في قلوب أهلها وفي وجوههم وفي جوارحهم، والسنة نور على وجوه أهلها وفي قلوبهم وفي جوارحهم، هذا أمر معلوم بصريح النصوص والآثار، كما قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فتبيض وجوه أهل الحق والسنة وتسود وجوه أهل الشرك والباطل والبدع. Donc le cheikh il dit que les gens qui appellent à la vérité, ce sont les gens qui suivent les messagers d'Allah dans leur façon d'appeler à la vérité et dans leur sincérité et dans leur véracité et dans leur position qui sont correctes et en accord avec la vérité. Il dit parce que l'appel lorsqu'on fait le da'wah hein, lorsqu'on appelle, wa alaykum salam, lorsqu'on fait da'wah et qu'on appelle les gens à al-haq, eh bien, il faut se concentrer et mettre la concentration sur qu'est-ce qui est correct et sur la sincérité et sur la pureté de nos intentions. Et de vouloir donner le conseil aux gens qu'on appelle. C'est-à-dire, quand tu appelles les gens, tu leur fais comprendre et tu leur fais savoir que c'est pour leur bien. C'est pour eux, tu leur veux du bien. D'accord? Donc, le chef, il dit, lorsque les gens de l'ignorance et les gens du mensonge vont venir pour essayer de les affronter, de les appeler avec leurs arguments, alors les gens de la connaissance, les gens de la science vont venir et vont leur bloquer le chemin et ils vont leur réfuter leurs soi-disant arguments avec les textes du Coran et de la Sunna, et voilà que leurs arguments, l'argument des gens de Bid'a et de Dalal et de Shirk va être détruit automatiquement devant les preuves du Coran et de la Sunna. Parce que la vérité c'est ce qui reste, et la Sunna il y a une lumière dedans, c'est-à-dire elle illumine, hein, et tandis que la Bid'a il y a des ténèbres qui viennent avec, il y a de la noirceur avec les ténèbres. Il y a des ténèbres dans le cœur de ces gens qui la suivent et qui la pratiquent, qui pratiquent la Bid'a, et dans leur visage et dans leur corps. Tandis que les gens qui sont sur la Sunna, il y a une lumière dans leur visage et dans leur cœur et dans leur corps également. Et il dit, le cheikh, que ça c'est une chose qui est claire et qui est expliquée même dans les textes du Coran et dans les hadiths. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 106 dans surat al-Baqarah, dans surat al-Imran, il dit le jour où les visages seront éclaircis et d'autres visages seront obscurs, hein, vont devenir sombres. Donc le cheikh il dit, comme l'imam, comme le sahabi Abdullah ibn Abbas a dit dans le tafsir de cette ayah, il a dit le jour où les visages des gens de la vérité et des gens de la sunna va s'éclaircir, et le jour où les gens du shirk et du batil, de la fausseté, et les gens de la bid'a va devenir obscurs et sombres, hein. Donc ça c'est le juin dernier. Donc le cheikh il dit, كلما أتى المشركون أو المبتدعون بحجج مضللة عن صراط المستقيم فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل في هذا القرآن ما يبطل كل حجة ويدلي بها مشرك أو مبتدع أو مضلل للناس كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني كلما أدلى المشركون بحجة من الحجج الداحضة الواهية أوحى الله إلى نبيه قرآنا يبطل تلك الحجة وينهيها حتى تكون هباء. Donc le cheikh il dit donc que chaque fois que les mushrikoun ou les gens de Bid'a arrivent avec des arguments pour égarer les gens du droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un verset dans le Coran qui détruit tout ce qu'ils ont amené comme argument, que ce soit un mouchik, ou que ce soit un mutadir, ou que ce soit, il n'y a peu importe qu'est-ce qu'ils amènent pour essayer de dévier les gens du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 33 dans surat al-Furqan, et ils ne vont pas venir, ils vont pas venir te voir avec une, avec un exemple, excepté qu'on va faire descendre, on va descendre la vérité, acceptez qu'on va faire descendre un verset qui a dans lequel il y aura la vérité et dans lequel il y aura une meilleure explication. Donc à chaque fois qu'ils vont venir avec un argument ou quelque chose, eh ben il y a une preuve qui va venir pour détruire leur soi-disant shubuhat et leur soi-disant preuve réelle. Donc c'est ça ce que le cheikh explique, et donc c'est ça ce qui est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Après il dit وعليه فدعاة الحق أئمتهم الرسل والأنبياء وكل من تأسى بالرسل والأنبياء اللاحق عن السابق وأئمة دعاة الضلال شياطين الإنس والجن وفي مقدمتهم إبليس الذي بارز الله بالعداوة والذي أقسم ليضلن الأمة وليغوينهم أجمعين إلا من استثنى الله تبارك وتعالى من عباده الصالحين. قال إبليس ما قصه الله عنه بقوله تبارك وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Donc le chef il dit donc que à la tête des gens qui appellent à la vérité, il y a qui? Il y a les messagers, il y a les prophètes. Ce sont eux nos modèles, ce sont eux nos guides, c'est eux qui nous donnent l'exemple dans notre da'wa. Hein? Tandis que les imams ou les guides des gens de l'égarement, ce sont qui leurs imams ou leurs chefs ou leurs guides? Ce sont les diables, les shayatins, parmi les hommes et les djinns, et à la tête de cela, il y a Iblis, qui a essayé de s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala, et il a juré qu'il allait essayer de les égarer du droit chemin. Il a juré qu'il allait essayer d'égarer la Umma en entier, et de les faire dévier, excepté ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé par leur sincérité, hein, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Donc ceux qui ont été sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, le shaitan sur eux n'aura aucun pouvoir. Toutefois, les autres, ils vont s'égarer. Et le cheikh, il dit que Allah a mentionné l'exemple dans les paroles de Iblis dans le Coran, dans le verset 16 dans Surat al-Araf, il dit qu'il va se tenir sur le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pour essayer de les dévier, comme on a dit tout à l'heure, et il va venir par devant, par derrière, par la droite, par la gauche, pour essayer de les faire sortir du droit chemin. والصراط المستقيم هو طريق الحق الذي أمر الله الأمة كلها بسلوكه ونهاهم عن الإعوجاج عنه وهو الدخول في طرق الباطل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Donc il dit que le droit chemin, c'est le chemin de la vérité que Allah a ordonné à toute la Umma de suivre. Et il nous a interdit de nous en détourner ou de rentrer par les chemins d'égarement. Comme il l'a dit, comme j'avais dit tout à l'heure à propos du fait que le shaitan vient de toutes les directions pour nous égarer. وهكذا أعلن إبليس دعوة الضلال والإضلال وأنه سيسعى في إغواء الأمة بكل وسيلة من الوسائل ويدخل عليهم من كل باب من أبواب الضلال والإغواء فمن استجاب له انقاد لغروره وتضليلاته وهلك كما أخبرنا الله بمكره فقال إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. Donc, nous on a pris la ruse de Shaitan à la légère. On a pris la ruse du Shaitan à la légère. Et on a pensé que le Shaitan a cessé de ruser contre nous dans notre époque actuelle. Hein, parce que des fois, je ne sais pas, mais moi ça m'arrive parfois, je réfléchis comme ça. Et je pensais aux questions de comment les gens tombent dans des péchés aujourd'hui à l'époque actuelle. Hein. Et là je me dis, certains êtres humains appellent les autres à l'égarement, hein, d'une façon tellement claire, et que malgré tout on suit, hein, parmi les êtres humains, il y en a qui les suivent facilement, yani, sans aucun problème, alors que c'est des choses qui sont clairement fausses. Yani, hein. Donc moi je me disais, imaginons par exemple, je pensais à la mixité dans les écoles entre les garçons et les filles. Comment tu vas faire pour arriver à amener le plus de monde à faire le zina possible? Hein, c'est quoi les moyens que tu vas utiliser pour les pousser le plus facilement au zina? Donc, il n'y a rien de mieux que de mélanger les garçons et les filles dans les écoles. Ça, c'est un des moyens qui est très efficace pour arriver à faire ça. Hein. Donc, le shaitan, il arrive toujours avec des projets, avec des idées, avec des trucs pour essayer de faciliter les péchés pour les gens. Hein. Donc, il commence par le shirk, il commence par le kufr. Commence par donner l'égarement et tout, et il va comme ça jusqu'à ce qu'il réussisse à te faire entrer dans l'une des portes, parmi les portes de l'égarement. Mais aujourd'hui, on prend ça à la légère, hein. Et donc, quand on nous amène un projet ou quelque chose comme ça, que ce soit un grand psychologue ou un grand يعني je sais pas moi, sociologue qui est venu avec une nouvelle théorie pédagogique et il vient et il dit à notre époque il est mieux de mélanger les garçons et les filles parce que ils vont être capables de mieux se connaître et puis il y aura moins de violence conjugale et il y aura plus de disons compréhension entre les deux sexes et tout ça. Et là ils amènent des théories comme ça. Là, les gens écoutent ça et disent « oui, c'est vrai, c'est une bonne idée ». Mais ils ne s'imaginent pas en réalité que c'est une des ruses du shaitan pour pousser les gens vers l'égarement. Et donc, des fois, je ne sais pas, mais si on essaie de penser comme notre ennemi, ça nous aiderait beaucoup plus à comprendre justement quand est-ce qu'on risque de s'égarer en suivant certaines façons de penser. Hein. Par exemple, tous les péchés, vous pouvez appliquer cet exemple-là à plein d'autres exemples et vous allez voir que ça marche. Ça va vous aider à, par la suite, prendre une position vis-à-vis beaucoup de choses qui sont, parfois, certaines personnes ont des doutes à propos de certains péchés. Ils ne sont pas convaincus du mal qu'il y a dans certains péchés. Ils vont essayer même d'argumenter avec toi, ben, quand même, c'est pas tellement mauvais et tout. Eh ben, utilisez cet exemple-là, vous allez voir que, à la fin, ça amène beaucoup de gens, yani, à tomber dans le péché, yani. Ça, c'est des ruses du shaitan. C'est vrai, il vient à pas, comme si nous, on pense toujours à court terme, les êtres humains en général, on a une vision très courte, hein. On voit pas plus loin que notre nez, parfois. Mais le shaitan, lui, il planifie des fois des générations à l'avance, comment il va égarer des gens. Lui, ça ne lui dérange pas peut-être de patienter encore 50 ans ou 100 ans pour arriver déjà à faire tomber dans le péché qu'il veut. Mais il commence aujourd'hui par une petite chose. Il commence à semer les graines de l'égarement. Puis il les regarde pousser lentement. Il les arrose avec un peu d'eau. Et puis il les voit pousser comme ça. Hein. Petit à petit, et là les gens commencent à s'habituer et à accepter. Regardez par exemple juste l'exemple de la télévision. Il y a des gens qui me disent, quand j'étais en Arabie Saoudite, ça fait 10 ans, ils me disent que ça fait 10 ans environ, les Saoudiens me disaient ça fait environ 10 ans qu'ils ont commencé à mettre les antennes paraboliques en Arabie Saoudite. Et bien en 10 ans, ils ont remarqué beaucoup de changements dans la morale des gens. La morale des gens a beaucoup diminué. Et dans d'autres pays musulmans, c'est la même chose. Lorsqu'il y a une introduction de la télé, l'introduction des paraboles, et bien là on voit que la morale générale de la population a commencé de plus en plus à diminuer d'un seul coup. Okay? Donc ça c'est des exemples de cette catégorie-là, comment le shaitan ruse. Et même en Occident, le niveau de moralité n'était pas si bas qu'il est aujourd'hui, il y a 50 ans. Donc ça va graduellement. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans le sens que essaie de voir quand tu vois quelque chose de mauvais, de haram, hein, pour être, des fois, c'est comme je te dis, quelqu'un qui est convaincu par ce qu'Allah a dit dans le Coran, convaincu par ce qui est dans le Coran, lui, pour lui c'est clair, il voit quelque chose, il le sait tout de suite, ah, Allah a dit ça c'est haram, c'est haram. Le prophète a dit ça c'est haram, il ne discute pas. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, eh bien c'est plus permis par la suite pour un croyant ou pour une croyante d'avoir encore le choix dans leur façon de penser ou dans leur façon d'agir vis-à-vis de ces choses-là. Mais il y a d'autres musulmans, ils veulent toujours philosopher, ils veulent toujours argumenter, ils ne sont jamais convaincus du premier coup. Ils veulent toujours essayer de dire, ah non mais, hein, ces gens-là, s'ils réfléchissent comme ça un peu, ils vont voir qu'il y a beaucoup de choses que c'est clairement diabolique, yani, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Ça n'aperçoit pas du premier coup. C'est dans ce sens-là. Les pays occidentaux. Mais là, ils commencent à le rentrer, même. Ça commence, oui. Exactement, oui. Exactement. Parce que, ils utilisent ce moyen-là, parfois. Ils montrent qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. En même temps, ils font semblant qu'ils attaquent l'extérieur seulement, ou qu'ils critiquent les sociétés occidentales. Alors qu'en réalité, ils sont en train de montrer qu'est-ce qu'ils veulent établir également à long terme dans les pays musulmans. Ouais, c'est ça, c'est des projets qu'ils ont. Et à chaque fois, je les écoute, j'écoute ces ennemis de l'islam qui parlent, parfois ils disent, bon, on a beaucoup de travail à faire dans les pays musulmans pour changer les mentalités, puis faire évoluer un peu la société et leur mentalité. C'est sûr que ça change pas du jour au lendemain, mais avec le temps, on sait que on va être capable de faire changer la mentalité des musulmans pour qu'ils deviennent soi-disant plus évolués et qu'ils vont accepter nos valeurs. Hein? Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils sont en train de faire da'wah, ils sont en train d'appeler. Hein? C'est des shayatins, c'est des diables. Donc, ils sont en train de faire une da'wah. Mais il y a beaucoup de musulmans, ils s'imaginent que parce que c'est pas une religion, donc c'est pas grave. C'est des idées laïques. Hein? Donc, c'est pas aussi dangereux qu'un chrétien qui vient pour appeler au christianisme ou une autre religion qui vient appeler à l'égarement. Eux, ils appellent pas au nom d'aucune religion. Mais ils sont aussi dangereux que des gens qui appellent à une religion parce qu'ils appellent à une voix qui est contraire à la voix d'Allah. Donc, le chef, il dit, نعم وهكذا أعلن إبليس دعوة الضلال والإضلال on a lu ça donc il essaie d'ouvrir toutes les portes possibles pour essayer de faire tomber les gens dans les portes de l'égarement et de la déviation et il dit que celui qui répond à l'appel de Iblis et qui se soumet à ses ordres hein et ben il se laisse tromper et puis il tombe dans son égarement et il est perdu comme Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé et nous a informé de cette ruse-là en disant que Iblis, il ne fait qu'appeler les gens à son parti pour qu'ils soient avec lui parmi les compagnons de l'enfer. Donc c'est ça le but de Iblis. Il réunit des gens et il leur fait croire que, alaykoum salam wa rahmatullah, il les fait croire qu'il les appelle vers quelque chose de bon, alors qu'en réalité, à la fin de leur destination, ce sera l'enfer. Et donc, c'est très dommage pour les gens qui auront répondu à l'appel d'Iblis. Et c'est pour ça que c'est de notre devoir de justement contrecarrer les ruses du shaitan et d'appeler les gens à la vérité et d'opposer le mensonge, d'accord? Et non pas de se taire devant le mensonge. Et aujourd'hui, souvent, c'est ça qu'on fait. On voit, on entend le mensonge, puis on dit rien. On sait que c'est pas bon, on sait que c'est pas vrai, mais on fait comme si rien n'était, et on le laisse, au lieu de s'opposer. Soit disant parce que des fois, on dit « Ah mais non, ça va faire la fitna, si je m'oppose au mensonge ». Non, il faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était resté chez lui, il n'avait pas été dire aux gens « La ilaha illallah », c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu d'opposition. Et c'est sûr que ça a fait de la fitna, du fait que quand il a commencé à dire aux gens « Il faut dire la ilaha illallah », ça n'a pas fait plaisir aux mouchriquins. Mais toutefois, c'était nécessaire. Il fallait que quelqu'un fasse l'appel et le travail des prophètes, c'est-à-dire d'appeler les gens au haqq. Et donc c'était ça sa mission. Il y a eu des guerres, il y a eu des combats, il y a eu des problèmes par la suite, mais ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y ait des gens qui sont pour la vérité et qu'il y ait des gens qui sont pour le faux et le mensonge. Et dans ces oppositions-là et ces combats-là, à la fin, il y a une grande sagesse, qu'Allah a voulu dans ça, c'est qu'il y ait des mu'minines et qu'il y ait des ardas, hein, et donc qu'il y ait à la fin la récompense pour les croyants et la punition pour ceux qui ont désobéi. Il dit, وَمَنْ أَطَاعَ رَبَّهُ وَخَالَفَ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ مِنْ مُشْرِكِينَ وَمُبْتَدِعِينَ وَمُلْحِدِينَ وَمُنْحَرِفِينَ عَنِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ فَازَ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ فهنيئا لأولياء الرحمن وتبا لأولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit, c'est ainsi que celui qui a obéi à son Seigneur, à Allah, et qui a opposé les shayatins parmi les hommes et parmi les djinns, que ce soit des mushrikins ou des mubtadi'in parmi les gens de bid'a, ou bien des malachida, des gens qui appellent à la mécréance et à l'égarement, ou qui ont dévié de la vérité. Hein? Donc, yani, le fait que tu t'es opposé à ces gens-là, alors ça veut dire que tu as atteint la vérité et tu vas avoir le succès et le bonheur dans cette vie et dans l'autre. Tandis que ceux qui ont désobéi et qui ont suivi le shaitan, eh bien malheur pour eux parce qu'ils sont des alliés du shaitan. Et félicitations pour ceux qui sont les alliés de Ar-Rahman, c'est-à-dire les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va lire un dernier petit passage encore, puis après on va s'arrêter, inshallah. Le cheikh dit: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Et donc si tu t'es dirigé sincèrement vers Allah et que tu as prêté attention à ses preuves et à ses explications et clarifications, alors n'aie pas peur et ne sois pas triste, car les ruses du shaitan sont faibles. Les ruses du shaitan sont faibles. Cheikh il dit, il explique cette parole, ça c'est le verset 76 dans Surat al-Nisa, « Inna kayda shaitan kana da'ifa » il dit, إن تكالب الأعداء على أهل الحق لا يستغرب فإذا استقام أهل الحق عليه ودافعوا عنه ونشروه ونصروه أعانهم الله وهزموا أهل الباطل وسحقوا باطلهم في كل زمان وفي كل مكان ويبوء أهل الباطل بالخسران ويفوز أهل الحق برضوان الله عز وجل لذا قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Donc il dit que même si les ennemis, le fait que les ennemis de la vérité se rassemblent et se réunissent tous pour attaquer ou pour opposer les gens qui sont pour la vérité, ça c'est pas quelque chose d'étonnant. Il faut pas s'étonner de cette chose-là. Et aujourd'hui ça c'est la situation que beaucoup de musulmans vivent. Ils s'étonnent que les gens du mensonge et de l'égarement soient contre les mu'minines. Ils comprennent pas ça. Mais pourquoi ils ne nous laissent pas en liberté? Et pourquoi ils ne nous laissent pas la paix? Et pourquoi ils nous, nous opposent? Et pourquoi ils nous donnent des problèmes? Et pourquoi ils nous aiment pas? Parce qu'ils n'ont pas compris Sunnatullah. Ils n'ont pas compris la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a envoyé les messagers, et qu'il y a toujours eu entre les mu'minines et les ennemis des messagers, il y avait toujours des oppositions, et il y en aura toujours, jusqu'à la fin des temps. Et donc, ça ne peut pas être vrai que toi tu vas appeler Al-Haq, tu vas montrer aux gens Al-Haq, et les gens vont t'accepter bras ouverts et vont t'aimer, sans qu'il y ait des opposants. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui vont s'opposer à qu'est-ce que tu dis. Et le cheikh il dit, mais si les gens de la vérité sont fermes et ils restent droits sur la vérité, et qu'ils défendent la vérité et qu'ils la propagent et qu'ils donnent victoire à la vérité, Allah va les aider, Allah va les supporter. Parce que c'est ça la différence entre les mu'minines et les kuffars. Allah est avec les mu'minines et pas avec les kafirines. Et donc, lorsque toi tu fais ton devoir et que tu répands la vérité, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te supporter, il va t'aider, là, qu'est-ce que tu fais de bien. Et les ennemis, les gens du mensonge, ils vont être écrasés, et les gens, et leur mensonge également va disparaître, il va être écrasé aussi. Et ça, c'est à toutes les époques et à tous les endroits. C'est pas seulement au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement au temps des sahaba. Même aujourd'hui, ça continue, parce que tant qu'il y a des mu'minines, tant qu'il y a le Coran, tant qu'il y a la sunnah, eh bien ça continue cette opposition-là entre la vérité et le mensonge, et les gens de Haqq vont toujours avoir la victoire sur les gens du Batil, s'ils sont sincères, mais s'ils font qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais s'ils ne font pas, c'est sûr, ça c'est autre chose. Le cheikh il dit donc que les gens du mensonge sont les perdants, et les gens qui sont pour la vérité, qui vont avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah dit que la ruse du shaitan, elle est faible. Il dit, وأنت أيها السني المؤمن الموحد أعانك الله أعانك الله بكل بأعظم سلاح وهو سلاح القرآن وسلاح الإيمان وسلاح السنة تحارب بهذا السلاح أعداء الله وأعداء رسوله فذلك وذلك بنشر الحق مدللا عليه من كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام تنشر الكتاب والسنة وأنت معتز بهما تذود عنهما بالحق رجاء ثواب الله ومغفرته ورحمته وترد على شبه أهل الشبه وتضليل أهل التضليل بما أتاك الله عز وجل من هذا السلاح القوي كتاب ربك وصحيح سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح فهم سلفك الصالحين وأوعية العلم وأئمة الدين. Donc il dit, donc toi qui est sunni, sur la sunna, et qui est mu'min, et qui est muwahid, c'est-à-dire tu es croyant et tu es sur le tawhid, tu as appliqué l'unicité d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a aidé du meilleur et du plus puissant parmi toutes les armes possibles, et c'est l'arme, cette arme-là c'est quoi? C'est Al-Qur'an, et c'est Al-Iman, wa alaykum salam wa rahmatullah, et c'est l'arme qui est la foi, et une autre arme aussi c'est la sunna. Donc avec ces armes-là, tu peux combattre les ennemis d'Allah et les ennemis du messager d'Allah. Hein? Une fois, il y a une histoire qui est racontée, on dit à propos du Cheikh Mokbel, ils ont envoyé, je sais pas si c'était un ambassadeur des États-Unis ou je sais pas qui, au Yémen, hein, au camp où Cheikh Mokbel enseigne, où il enseignait. Donc c'est à la ville de Damaj au Yémen, et lui il enseigne le Coran et la Sunna. Et il a environ 5000 ou même plus que ça parmi les élèves qui étudient tous les jours le Coran et la Sunna. Et là, il y a un Américain, ou je ne sais pas qui c'est, un journaliste ou un ambassadeur, une fois qui est venu, il a dit, on a entendu que vous avez des armes, vous, ici, est-ce que c'est vrai? Alors, le Cheikh Mokhtar lui a dit, oui, c'est vrai, venez, on va vous les montrer. Alors, il les a amenés à la bibliothèque, et il leur a montré les livres. Il dit, voici, tout ça, c'est les missiles, yani, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, hein, et dit, c'est avec ça qu'on va, yani, vous attaquer, yani, avec le ilm. Donc là, subhanallah, là, c'est un exemple, c'est vrai, parce que le ilm, c'est la plus grande arme possible, yani. Et donc, le cheikh, il dit que les ennemis d'Allah, les ennemis du messager, yani, donc on les combat avec cette connaissance qu'on va avoir qui vient d'Allah et du messager. Et en faisant transmettre cette connaissance, cette vérité-là, et en montrant aux gens donc les preuves qui viennent du Coran et de la Sunna, hein, et donc tu dois la transmettre avec fierté, tu la transmets avec une fierté en toi-même, et tu espères en faisant ça avoir la récompense d'Allah et d'avoir ça, son pardon, sa marfira et sa miséricorde. Et donc tu es capable par la suite de réfuter les arguments des gens qui essaient d'égarer les autres, et tu vas être capable également donc de avec cette arme puissante d'appeler les gens à la bonne compréhension au Coran et la Sunna, et la bonne compréhension c'est la compréhension des salaf salih, ceux qui ont suivi le Coran et la Sunna parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, hein, et parmi les ulama qui ont suivi cette voie là également. Donc on va arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera semaine prochaine dans ce dars, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.